Don Bosco, Doui Man. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 27 décembre 2016. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Des arrestations considérées comme arbitraires et même des enlèvements sont dénoncés ici et là. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale demande à l'administration et à la justice de cesser de tels agissements contre des présumés opposants politiques. Alors que le parti FNL déclare soutenir l'appel du ministère de la Justice pour clôturer rapidement les dossiers des personnes poursuivies pour écarter toute entrave au dialogue inter-burundais, Tassien Sibomana estime que c'est plutôt une façon pour Bujumbura et le parti présidentiel de retarder le processus. La Régie des eaux reconnaît une part de responsabilité dans les accidents causés par des câbles électriques que l'on retrouve parfois en plein air, mais dit que l'entreprise essaie de faire de simples réparations par manque de matériel. Et dans la chronique santé, nous aurons des éclairages sur le nerf sciatique avec Dr Rémi, il est neurologue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Criminalité à Bubanza, toute une famille, un homme, sa femme et leur enfant ont été tués la nuit de Noël, le dimanche, à Mitakatakan, commune de Bubanza. La veille, une autre personne avait été tuée, son corps ayant été retrouvé dimanche matin dans un champ de manioc, cette fois-ci à Rugazi. Spes Caritas Kavanyana. Une famille est faite d'un mari, sa femme et leur enfant âgé d'une année a été exécuté dans la nuit de dimanche de Noël dans une vallée de Mitakataka dans la commune de Bubanza. Bizimana Claver, l'une des victimes, est rentrée chez lui à Muyange à vélo avec sa femme et un enfant au dos. Il venait de partager la fête de Noël avec leur parenté arrivée dans la vallée de Mitakataka. Des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont exécuté à l'aide des machettes. Ils sont partis avec le vélo. Les policiers sont arrivés juste après et ont pu arrêter 5 personnes, dont celle qui détenait ce vélo. Aussi, à Rugazi, un certain Nyeretse a été également tué par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Selon des sources sur place, ce motoir qui habitait dans le site des déplacés de Nyamirama est mort dans des circonstances jusqu'aujourd'hui difficiles à connaître. On a seulement vu son cadavre ce dimanche à la hauteur de Muzinda dans un champ de manioc. Son corps présentait des traces de coups et aurait été tué à coups de bâton selon les mêmes sources. C'est Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Un homme du nom de Jean-Marie Niyomongere a été arrêté l'après-midi de ce jeudi au quartier Kajagan, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, par des hommes en uniforme de police. Sa famille indique qu'elle ne connaît pas le motif de cette arrestation et fait savoir que l'on ignore la destination de Jean-Marie Niyomongere. Suivez un membre de sa famille qui témoigne. Celui qui a été arrêté s'appelle Jean-Marie Niyomungere, surnommé Mwarabu. Il habite à Kajaga, avenue Brigitte. Il a été arrêté par 3 hommes, dont 2 en uniforme de police et un autre habillé en civil. Ils l'ont amené et par après, il est venu demander de l'argent. On a compris qu'on le rançonnait. Ces hommes qui lui ont amené lui disaient de payer un dixième du montant. Ils l'ont amené dans une voiture de marque Corolla avec vitres fumées ce jeudi de l'après-midi. Mais nous n'avons pas été curieux pour identifier la plaque. Nous ne connaissons pas l'origine de cette arrestation. Maintenant, nous ne savons pas où il est. Nous avons cherché dans les cachots, mais en vain. Nous demandons à l'administration de nous aider à le retrouver. Voilà, c'était le témoignage d'un membre de la famille de Jean-Marie Niyomongere. L'administration fait savoir qu'elle est au courant de cette arrestation et indique suivre de près ce dossier. Et par ailleurs, la famille du brigadier de police Jean-Claude natif de la zone Kiwiye, en commune Isale dans la province de Bujumbura, n'a aucune trace de ce policier depuis le 18 décembre. Au courant, cette famille indique l'avoir cherché dans tous les cachots de la capitale Bujumbura, mais en vain, ses téléphones sonnent et personne ne décroche, ajoute-t-elle. La seule information que détient cette famille est que ce brigadier de police du Kambouyenzi a été kidnappé par des gens non encore identifiés qui l'ont embarqué dans une camionnette lorsqu'il était à l'église protestante de Rehobotsi Zangagara. Et nous n'avons pas encore de réaction de la part de la police. Et par ailleurs, un certain vis-à-vis Chakaïli de la commune Nyamurenza en province Ngozi ne donne pas de traces de vie depuis ce lundi soir. Il aurait été arrêté par la police de renseignement en commune Bukeye de la province Muramvya alors qu'il se rendait à Bujumbura d'après les membres de sa famille qui disent ignorer le motif de son arrestation et le lieu de son incarcération. Apollinaire Muzagara pour les détails. Selon des informations émanant des représentants du parti FNR, Agathon Rwasa et même de sa famille, Elie Nzabishaka a été arrêté puis conduit dans un endroit jusqu'ici inconnu par du personnel du service de l'enseignement en commune okay, de la province Morang. Elie se rendait à Bujumbura pour continuer ses études à l'université selon les mêmes sources. Au bureau de l'agence de transport en commun, Memento Angozi, on affirme que son nom figure dans leur registre, mais indique qu'on ignore jusqu'à maintenant s'il est arrivé à Bujumbura, où la police dit aussi ignorer ça, précisant qu'elle n'a pas été saisie par qui que ce soit. Les représentants du FNR d'Agathon Rwasa Ngozi, formation politique où appartenait Elie Nzabishaka, déplore aussi la disparition d'un autre militant, Jean-Paul Nkurunziza, de la colline Saramasaka, en commune de Mumba de la province Ngozi. Et cela depuis Noël passe. Ils disent avoir cherché dans tous les cachots, mais ils demandent par conséquent le respect de la voie judiciaire en cas d'arrestation de leurs membres pour que le coupable soit jugé et condamné ou innocent. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Autre arrestation, c'est celle du chef du quartier Nyabagere en zone Kamenge. Célestin Nahimana venait de rentrer de l'Ouganda et cela fait près de deux semaines déjà que Badera et son sobriquet est sous les verrous. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, a demandé la libération de ces personnes. Pour lui, les autorités administratives et judiciaires devraient arrêter la poursuite des gens pour des mobiles politiques. On l'écoute. Le chef de quartier Nyabagere a connu toutes les tribulations que l'on peut rencontrer dans la vie, y compris la menace de mort parce qu'il a été attaqué à deux reprises à la grenade à son domicile. Dieu merci, il s'en est échappé belle. Mais il y a quelques temps, il est parti pour l'Ouganda. À son retour, il a été arrêté par les gens de la documentation. Parfois même, les siens n'ont pas pu être en contact avec lui parce que peut-être le déplacer de cachot en cachot. Est-ce que parce que seulement on veut que ce quartier soit dirigé par quelqu'un du parti CNDD-FDD, est-ce cela qui va constituer un délit? Est-ce que c'est parce qu'il est allé rendre visite à ses parents ou amis ailleurs qu'il devient de facto quelqu'un de criminel? Moi, je pense que cette intolérance politique ne nous avance à rien. Quant à l'autre qui a été arrêté hier soir à Okeye, c'est un jeune qui descendait sur Bujumbura en provenance de la commune Nyamurenza, sa commune d'origine. Et j'entends qu'il y a toute une manipulation de l'opinion dans sa commune par l'administration locale où on essaie de le dépeindre comme un criminel, comme un manifestant, alors que les manifestations, ça fait plus d'une année et qu'elles ne sont plus. Mais voilà. Pour chercher noise à cette personne, on invente des histoires de manifestations qui n'en sont pas du tout. Et voilà que maintenant, il est sous les verrous. Il a été arrêté sans mandat, sans quoi que ce soit. Et on ne sait pas quel est le sort qu'on lui réserve. En tout cas, je me dis qu'il est temps que les Burundais se départent de cette intolérance politique qui n'a fait que porter nuisance et qui n'a fait que freiner le développement dans ce pays. Pour que l'on comprenne qu'une fois aux affaires, on est là pour servir le pays et non pas pour nuire aux citoyens. Et on ne peut pas servir son pays sous les verrous. Il faut qu'on les libère, qu'on les laisse leur liberté. Ce sont des citoyens comme tant d'autres. Ils ne sont pas des criminels, ils ne sont pas délictueux. Il ne faut pas chercher toujours à ennuyer les gens. Agathon Rwasa, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. À noter que ce chef de quartier Nyabagere en zone Kamenge, Célestin Nahimana, qui était poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, a été auditionné ce mardi au tribunal de grande instance de Nahangwa et la décision a été de l'incarcérer à la prison centrale de Mimba. Isanganiro. Le parti FNL soutient l'appel lancé au ministère de la Justice par le bureau de l'Ombudsman d'accélérer les dossiers des personnes poursuivies par la justice pour que ces dossiers ne soient pas une entrave à la poursuite du dialogue. Pour le président de ce parti, cela permettra aux gens qui seront acquittés par la justice de participer au dialogue inter-burundais, tandis que celles qui se seront rendues coupables de certaines infractions devront répondre d'abord de leurs actes. Suivez Jacques Wiglimana au micro d'Aubin Niyongur. Le parti FNL soutient cette position du Ombudsman parce que nous avons entendu alors qu'il y a une entrave qui risque de déranger ce processus. Et cette entrave-là est liée aux spéculations formulées par certains politiciens vivant à l'étranger. Et ces politiciens-là disent qu'ils ne peuvent pas participer dans un dialogue intérieur parce qu'ils sont poursuivis par la justice. Évidemment, il y a des gens qui sont poursuivis par la justice. Alors, il faut qu'ils purgent leur peine pour qu'ils puissent bénéficier du droit civique comme les autres. Alors, mais il y a d'autres qui sont là, qui sont en exil, par peur ou par soupçon. Et ces gens-là, aussitôt que leurs dossiers sont terminés, on saura qui s'est rendu coupable à ceci ou à cela. Entre-temps, je pense que même la liste de 34 personnes présumées fauteurs de troubles dans son pays sera revue à la baisse, comme ça peut s'agrandir. Mais ce que je pense, aussitôt qu'il y ait la conclusion de ces dossiers, je pense qu'il y aura beaucoup de réfugiés, beaucoup de politiciens en exil qui pourront bien rentrer. Vous êtes du même avis que le facilitateur Benjamin Mkapa. Est-ce que cela ne serait pas une manière de les écarter de ce dialogue? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, les prisonniers, les gens qui sont poursuivis par la justice et qui sont incarcérés, ils n'ont pas le droit des obligations civiques comme les autres. Par exemple, ils ne peuvent pas aller voter, ils ne peuvent pas jouir des droits civiques autorisés pour les citoyens. Ils doivent d'abord purger de la peine et puis ils regagnent leur statut de citoyen honnête, citoyen et paisible. Je ne vous dirais pas que les gens qui ont participé dans le putsch bancaire et qui sont incarcérés et qui ont pu être libérés pour participer au dialogue. Non, pas du tout. Et si ces dossiers sont accélérés, vous estimez que dans les 6 mois que le facilitateur s'est fixé pour mettre fin à ce dialogue, vous estimez que ce dialogue pourra prendre fin dans les 6 mois? Il suffit que la justice programme la séance orative demain. Après-demain, on décide et avant la bonne année, il rentre. Jacques Guilimana, c'est le président du parti FNL. Et Tassien Sibomana, un des opposants au pouvoir, estime que c'est plutôt une façon pour Bujumbura et le parti présidentiel de jouer la prolongation. Il explique que la liste des accusés d'avoir voulu renverser les institutions peut être longue ou courte selon les visions de la mouvance. Tassien Sibomana demande au médiateur Benjamin Mkapa d'annoncer au vite le prochain round des pourparlers à Arusha. Suivez-le au micro de Léonce Vitaliou. Des gens présumés auteurs de la tentative de putsch, la plupart sont en prison et ils n'étaient jamais invités. Seulement, le gouvernement et le CNDD-FDD, sans oublier leurs acolytes, voulaient faire croire à l'opinion interne et internationale qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été arrêtés et qu'en conséquence, ces gens-là ne devaient pas être invités à ce dialogue interburundais d'Arusha. Mais Dieu seul sait combien, la liste peut être longue suivant les visées du pouvoir. Et c'est de bonne guerre. Si la médiation dit « tant que la procédure judiciaire n'est pas encore clôturée, je ne recommencerai plus le dialogue interburundais à Arusha parce que la liste des parties prenantes n'est pas connue. » C'est une façon, c'est un clin d'œil à la limite qui a été fait au pouvoir pour dire « retardez autant que faire se peut sur cette procédure parce que moi, je veux toujours invoquer que vous ne vous êtes pas entendu sur la liste parce qu'il y a des pseudo-putschistes qui sont toujours recherchés. » Eh bien, le pouvoir va avoir une brèche de manœuvre dilatoire pour faire traîner la procédure en longueur et en définitive faire oublier purement et simplement le processus de dialogue interbondé qui se déroule à Arusha. Un appel peut-être au médiateur Mkapa? L'appel est simple. Ou bien Mkapa assume officiellement qu'il est partie prenante à la position du gouvernement de Bujumbura, auquel cas il sera indigne de rester médiateur, faute de quoi il n'a qu'à reconvoquer la session comme il l'avait fait depuis. Il reviendra aux parties prenantes de relever toutes les questions à discuter, y compris même celles de ces pseudo-putschistes. Tassien Sibomana, au niveau du ministère de la Justice, l'on indique que le message de l'Ombudsman a été reçu et qu'ils sont toujours à l'œuvre. Aimée Laurentine Kinyana, c'est la ministre de la Justice. Elle appelle plutôt les politiciens poursuivis de se présenter devant la justice pour que leur dossier soit clôturé, compte tenu de leur version des faits. Nous avons entendu l'appel lancé par l'Ombudsman du Burundi. Il s'agit d'un rappel des devoirs que la justice doit accomplir. Pour ce qui concerne certains politiciens qui sont poursuivis par la justice burundaise, dont les mandats d'arrêt international ont été lancés, nous leur lançons un appel vibrant pour qu'ils se présentent devant la justice pour être entendus, pour que leurs dossiers soient clôturés. Je ne dirais pas que les dossiers seront clôturés dans tel ou tel autre sens, mais l'essentiel est que si une personne a besoin de voir son dossier clôturé, il doit se présenter pour donner sa version des faits, pour plaider sa cause. Celui qui est acquitté, comme vous le dites, s'il est invité dans ce dialogue, il pourra s'y présenter. Et celui qui sera condamné, il devra purger sa peine. Il y a une mentalité qui domine certains Burundais, selon laquelle, quand on est politicien, tout est permis, qu'on peut commettre des infractions, sont considérés comme immunisés, qu'on ne peut jamais être poursuivi en justice. Que même si on est poursuivi, il y aura toujours des dialogues, il y aura toujours des négociations pour qu'on ne soit pas poursuivi. Je voudrais lancer un appel vibrant aux politiciens burundais pour qu'ils puissent se comporter en personne responsable, tout en sachant que la responsabilité est individuelle, que lorsqu'on a commis une infraction, la responsabilité est personnelle, indépendamment de son caractère d'homme ou de femme politique. C'était la ministre de la Justice que nous réécouterons tout à l'heure dans le journal pour ce qui est des réalisations de son ministère au cours de l'exercice 2016. Le manque de matériel adéquat pour la protection des fils électriques pousse la Régie des Eaux à faire de simples réparations afin de protéger ces fils. Et cela a été dit par Wilson Tangishaka, directeur du département électricité au sein de la Régie des Eaux, qui déclare qu'il n'était pas au courant des accidents qui sont causés par ces fils, ces câbles électriques, et que donc pour prévenir ces accidents, cette régie va enterrer carrément ces fils. La déclaration de cette autorité vient après la mort de deux personnes qui ont été électrocutées en mairie de Bujumbura. Suivez-le au micro d'Alida Naïked. On n'était pas au courant bien avant. C'est à partir de l'accident que nous avons été mis au courant. Parce que ce n'était pas connu par l'autorité décisionnelle, bien sûr. C'est à ce moment-là que je me suis rendu sur le terrain. J'ai pu visiter presque tous les quartiers en compagnie de mes techniciens afin de se rendre compte de la situation de la capitale de Bujumbura. Nous nous sommes rendus compte de réparations de nos câbles dans notre réseau. C'est dû, bien sûr, à ne pas laisser la population dans le noir que nous courons à cette situation de réparation. Sinon, c'est-à-dire que c'est par manque de matériel adéquat pour faire des réparations suivant les normes et dans les délais. Nous connaissons beaucoup de pannes, nous connaissons beaucoup de problèmes dans notre réseau. C'est un réseau très vétuste. Le matériel s'épuise rapidement. C'est-à-dire, en attendant, la Régie des Eaux a accepté. Nous allons accepter de perdre, mais nous allons utiliser les moyens qui sont à notre possession, fait de les enterrer. Mais nous allons prendre soin, bien sûr, de faire ce que nous appelons, dans notre jargon, c'est la triangulation, c'est de pouvoir retrouver la place où il faudrait réparer adéquatement le jour où nous aurons le matériel adéquat. On s'est donné une deadline, il faudrait qu'au moins que dans un mois au maximum, qu'on ne retrouve plus aucun câble au-dessus de la terre. Et les personnes citées par les présumés auteurs de l'assassinat du lieutenant-général Adolphe Nshimirimana devraient comparaître devant la cour pour donner leur version des faits. Les avocats de la défense ont exprimé ces doléances ce mardi devant le tribunal de grande instance de Nahangwa, section criminelle en itinérance à Gitega. Le ministère public, quant à lui, demande à ses prévenus de donner les adresses de leurs témoins à décharge pour qu'ils soient convoqués. Arthur Kawabushi pour les détails. Parmi les personnes citées par les présumés auteurs de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana pour qu'ils comparaissent devant la cour afin de donner la lumière au siège, figure l'assistant du ministre de la Défense nationale, un brigadier du commissariat de police à Changuzo, ainsi que le gouverneur de la province de Changuzo. Les avocats de la défense ont montré à la cour que l'officier du ministère public n'a pas mené une enquête approfondie et qu'il est passé outre ce qu'ils avaient fourni dans la phase des compléments d'enquête qui ont eu lieu durant le mois de novembre passé. Ils demandent une remise où tous les témoins seront présents. Quant à l'officier du ministère public, il demande aux prévenus de fournir des adresses complètes de leurs témoins, étant donné qu'il y aurait des personnes dont les fonctions auraient changé. La cour a alors demandé à l'officier du ministère public de se présenter avec les témoins qu'il possède. Cette cour a également demandé à la défense de fournir les noms de leurs témoins pour qu'ils soient convoqués. La cour a alors reporté l'audience pour une date qui sera communiquée ultérieurement et elle a exigé aux deux parties de se présenter avec leurs témoins pour permettre l'avancement dans cette affaire. Arthur Kawabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Le ministère de la Justice se réjouit des réalisations au cours de l'exercice 2016. Aimée Laurentine Kanyana, la ministre de ce ministère, la ministre de la Justice, indique que 21 000 jugements et arrêts ont été rendus Il ajoute que des comités de lutte contre la corruption ont été mis en place à travers tout le pays et 21 magistrats et autres agents de l'ordre judiciaire sont poursuivis pour avoir été corrompus. Suivez la ministre Aimé Laurentine Kanyana, c'était lors de la présentation de ses réalisations annuelles exercice 2016. Au cours de l'exercice 2016, le ministère de la Justice s'est doté d'un document de politique sectorielle. Il s'est en outre fixé un plan d'action annuel dont les grandes réalisations ont été lutter contre la corruption et les autres pratiques. Dans ce cadre, des comités de lutte contre la corruption ont été mis en place dans différentes structures de l'administration et des services judiciaires. 21 magistrats et agents de l'ordre judiciaire ont été poursuivis pour avoir commis des actes de corruption. Il y a eu aussi réduction sensible des arriérés judiciaires. Plus ou moins 21 000 jugements et arrêts ont été rendus. Les dossiers impliquant les intérêts de l'État sont défendus et avec assiduité. Et à ce niveau, au niveau local, il y a eu 226 dossiers qui ont été gagnés par les avocats de l'État. Nous pouvons dire que les réalisations du ministère de la Justice ont été satisfaisantes malgré les contraintes budgétaires qui ont handicapé certaines actions. Aimé Laurentine Kanyana dit que certains projets de loi ont été élaborés compte tenu du moment et explique que d'autres avant-projets sont en cours, dont celui régissant la Cour constitutionnelle et celui du Code de la nationalité. D'autres avant-projets de loi et textes réglementaires sont en cours de finition. Il s'agit de la loi régissant la Cour constitutionnelle, la loi régissant la Cour suprême, la loi portant réforme du Code de la nationalité, la loi portant régime des assurances au Burundi, la loi portant réforme du Code de procédure pénale, la loi portant réforme du Code pénal. Radio Isanganiro Chronique. Je l'avais annoncé dans les titres, le nerf sciatique en soi n'est pas une maladie, c'est plutôt une manifestation d'une pathologie qui se trouve au niveau de la colonne lombaire, d'après docteur neurologue Rémi Hagerimana, des éclairages qu'il a donné à Clarine Gourouziza qui nous a préparé cette chronique santé. Le nerf sciatique, tout le monde en a. Il prend origine au bas du dos et va jusqu'au pied, comme l'explique docteur Rémi Hagerimana. C'est un nerf qui permet la mobilité et la sensibilité de la jambe. Ce sont des nerfs qui émergent de la colonne lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, c'est-à-dire au niveau du rachis. Donc là-bas, il y a deux nerfs sciatiques, gauche et droite. Le nerf sciatique, donc, il quitte cette colonne vertébrale au niveau lombaire et va donc longer le membre inférieur, ce qu'on appelle communément la jambe, mais ça va passer en fait au niveau de la fesse, au niveau de la partie postérieure de la cuisse et au niveau de la partie externe de la jambe donc en dessous du genou. Là, ça, c'est ce cas, il s'agit d'une sciatique L5. Ça peut être aussi une branche S1. Et là, cette branche va passer au niveau du mollet, la face postérieure de la jambe. Et puis après, ça va donc, le sonnet va arriver au niveau du pied. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que maintenant, si on dit que quelqu'un a un nerf sciatique, c'est pour dire que finalement, il y a une douleur au niveau du trajet du nerf sciatique. Ces maladies de la sciatique se manifestent de plusieurs manières, dépendant des causes de la pathologie. On peut trouver que le patient, effectivement, là où passe le nerf sciatique, il y a un trouble sensitif. Soit le patient ne sent pas là où passe son nerf sensitif, dès que vous touchez, vous dites « je ne sens rien ». Ou bien par contre, on peut avoir une hyperesthésie. C'est-à-dire que vous allez toucher dans ce territoire par où passe le nerf sciatique, le patient vous dit « dès que vous le touchez, il sent une sorte de brûlure. Vous provoquez une douleur, alors que normalement, c'est un toucher qui n'est pas douloureux. Autre chose qu'on peut voir à l'examen, c'est qu'on peut trouver aussi que le patient est paralysé. C'est ce qu'on appelle sciatique paralysant. Le patient peut avoir donc un déficit au niveau du membre qui est touché. Le plus souvent, au début, vous pouvez avoir un patient qui ne parvient pas à faire une dorsiflexion du pied. On ne peut pas relever le pied, il y a un déficit. Et les muscles, effectivement, au niveau de la jambe, quand vous les regardez, ils sont des fois atrophiés. Et le patient aura du mal à marcher. Et quand il marche, vous allez voir le patient qui fait ce qu'on appelle stépage. Ça, c'est, il sera obligé de soulever beaucoup le genou pour ne pas cogner son pied contre le sol quand il est en train de marcher. D'après toujours Dr Hagerimana, le nerf est touché le plus souvent par une compression ou encore le vieillissement précoce de l'os. Tout comme ça peut être le signe d'un cancer. Ça peut être une cause vertébrale liée à l'os en dessous duquel le nerf émerge. Cette vertèbre qui est en os peut être touchée soit par une malformation congénitale ou bien être touché par un traumatisme, s'il a été traumatisé par une chute ou autre chose. Mais c'est surtout ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des arthroses, c'est-à-dire une dégénérescence qui va entraîner ce qu'on appelle des ostéophytes, c'est-à-dire que l'os, en fait, ne sera plus solide et va avoir d'exubérance ou bien d'excroissance sur cet os-là qui vont frôler sur le nerf sciatique et qui va donc entraîner des irradiations douloureuses sur le trajet du nerf sciatique. Autre chose, ce qu'on peut avoir au niveau vertébral, c'est qu'on peut avoir des métastases. Les métastases, c'est-à-dire, en fait, que la personne qui est malade a un cancer quelque part. Maintenant, il peut y avoir une expansion de son cancer qui va arriver au niveau vertébral. Il y aura un tassement vertébral qui va comprimer finalement son nerf sciatique. Maintenant, si ce n'est pas au niveau vertébral, on peut avoir aussi un problème au niveau du disque, le disque intervertébral en dessous duquel émerge effectivement son nerf. Ça peut être effectivement un vieillissement de son disque qui va se déshydrater et ne sera plus aussi mou qu'il était avant. Et donc, il va comprimer. Il y aura un petit morceau de son disque qui va faire une protrusion en postérieur et va comprimer le nerf sciatique et même comprimer le fourreau dural et va entraîner ce qu'on appelle la queue de cheval. Donc, une atteinte diffuse des nerfs qui émergent de la colonne lombaire et va entraîner une paralysie flasque de deux membres avec des troubles sphinctériens à type d'incontinence ou bien de rétention d'urine. D'après notre docteur neurologue, Rémi Hagelimana, ces maladies de la sciatique, s'ils ne sont pas traitées à temps, provoquent de terribles maladies génitales. Néanmoins, on peut s'en prévenir, comme on le verra dans la chronique santé qui suivra. Merci Clarine, merci docteur Rémi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.